Hey, je vois danser mon cœur. Hey, hey, j'entends chanter les fleurs. Hey, je marche sur la mer. Hey, il n'y a plus d'hiver. Quelqu'un a tout changé en un seul jour. Quelqu'un a réinventé l'amour. Hey, je vois plusieurs soleils. Plus tard.